sonne encore aussi doucement. Notre nudité se fixe, le désir en diagonale. Des amants magnifiques jaillissent du lit horizontal. Ce besoin d'être à toi collé contre tes lèvres, ma bouche est dans ta bouche, qu'il est doux d'être là. Saveur, sueur, salive. Des amants magnifiques jaillissent du lit horizontal.